Toujours à l'occasion du commencement du travail par le général Kim Jong-il au comité central du parti, le camarade Kim Jong-un a reçu les messages et lettres de félicitations des personnalités progressistes du monde. Ce sont le dirigeant national du Parti travailliste mexicain, le secrétaire général du comité central du Parti socialiste du peuple mexicain, le président d'honneur de l'Union des communistes bulgares, le secrétaire général adjoint du Parti uni de l'Islam de l'Iran et le vice-président du Parti des socialistes libéraux égyptiens. Les destinataires ont indiqué que Kim Jong-il a conduit à la victoire le Parti du Travail de Corée sous le drapeau des idées du Juche et des idées du Sungun pour accomplir d'immortels exploits pour l'époque et la révolution et ont souhaité le plus sincèrement de plus grands succès dans le travail du camarade Kim Jong-un pour conduire à la victoire la cause révolutionnaire Juche.